Bonsoir à tous, bienvenue dans la sixième émission Écoutez, y a rien à voir, une promenade sonore et culturelle proposée par Philippe Rimbaud et Fabienne Louis pour voyager ensemble dans les arts et par les mots. Notre rendez-vous sera consacré ce soir à l'artiste que l'on surnomme le Sphinx de Delft, Johannes Vermeer, virtuose de la peinture de genre du XVIIe siècle. Suivi d'une interview de Marianne Levexier, peintre, sculpteur et graveur contemporaine, sise à l'Isle-Adam. Et à nos côtés, pour nous accompagner dans cette évasion, la voix hypnotiseuse et la chronique à consommer sans modération de Fabienne. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio RGB 99.2 FM. Bienvenue dans un monde sans images et pourtant empli d'imagination. En 1696, soit 21 ans après la disparition de l'artiste, eut lieu à Amsterdam, chez le marchand d'art Gérard Wett, une importante vente aux enchères comprenant 134 tableaux, dont 21 Vermeer. Le catalogue a été conservé et sa comparaison avec la liste des œuvres de Johannes Vermeer, qui nous sont parvenues jusqu'à nous, a donné lieu à de nombreuses controverses. Les prix de vente furent médiocres, y compris pour la plupart entre 50 et 100 florins. Johannes Vermeer fut un personnage discret, qui en dehors de son œuvre a laissé peu de traces, et des pans entiers de sa vie demeurent dans l'ombre. Encore aujourd'hui, des questions restent sans réponse. Pourquoi a-t-il peint aussi peu de tableaux? Alors qu'à la même époque, en Hollande, la production de la plupart des peintres est prolifique, à l'image de Rembrandt qui peint plusieurs centaines d'œuvres. Seuls 37 tableaux de Vermeer nous sont parvenus. La production de toute une vie pourrait ainsi tenir sur un seul mur d'un musée. Il est probable que nous ne connaîtrons jamais le visage du peintre. Pendant 150 ans, l'obscurité se fera sur le nom de Vermeer. Et les historiens de la peinture hollandaise prononceront à peine son nom. C'est seulement vers le milieu du 19e siècle qu'un Français, Théophile Thoré, réfugié politique aux Pays-Bas, entreprendra, dans des articles et des brochures signés du pseudonyme de W. Burger, la réhabilitation de l'artiste. Théophile, alias Burger, retrouvera ainsi, catalogué sous les noms de divers peintres, plusieurs de ses tableaux, achètera ou fera acheter par des amis tout ce qui, chez les marchands ou dans les ventes aux enchères, ressemblera de près ou de loin aux toiles de Vermeer. Au final, il vivra assez longtemps pour assister au triomphe de ses idées et pour éprouver la fierté légitime d'avoir ressuscité un des plus grands peintres de tous les temps. Thank you. La femme écrivant une lettre est une huile sur toile de 71,1 par 60,5 cm, peinte dans les années 1670 par le néerlandais Johannes Vermeer. Nous sommes à l'intérieur d'une maison bourgeoise de la ville d'Elphes. 15 000 habitants à peine au XVIIe siècle. Située à quelques encablures du port de Rotterdam. La femme écrivant une lettre est, comme toutes les œuvres de Vermeer, une toile très architecturée. De gauche à droite, une distribution de l'œuvre en un tiers, deux tiers, et de haut en bas, une organisation à deux niveaux. À hauteur des yeux d'un enfant. Ou plus exactement, de ceux du peintre, assis devant son chevalet. Comme nous le confirme une autre toile du maître intitulée « L'atelier ». De sa base à son sommet, le tiers gauche du tableau est occupé par la baie vitrée, seule source de lumière de la pièce. Au XVIIe siècle, les huisseries étaient étroites. Entre 50 et 60 cm si l'on se réfère à la taille des personnages figurant sur la toile. Mais haute de plus d'un mètre 70 et sur deux niveaux. La fenêtre a la taille basse pour laisser entrer un maximum de clarté dans le même plan que les tables où l'on cuisine, écrit, lit, fabrique de la dentelle, à la même hauteur que les cordes du luth posées sur les genoux, que le clavier du virginal, cousin du clavecin, dont jouent les dames lorsque l'on organise des concerts entre gens de bonne société. La fenêtre est ornée de légers vitraux. Aux armoiries des propriétaires. Pour préserver l'intimité de la maison de tout regard extérieur. Tous ces artistes étant spécialisés dans ce qu'on appelle la scène de genre ultra élégante, raffinée, sophistiquée, qui représente des activités de la vie quotidienne, mais en fait, elles n'ont de quotidien que le nom, parce que quand vous jouez du luth, en fait, vous êtes représentatif d'une frange très, très minoritaire de la société hollandaise du XVIIe siècle. La femme écrivant une lettre est une huile sur toile de Johannes Vermeer. Ici, comme dans presque toutes ses œuvres, l'artiste fait entrer la lumière en pleine majesté sur le personnage principal du tableau. Une dame écrivant une lettre. Accoudée à une table haute et étroite, recouverte d'un tissu épais aux reflets précieux, rouges et sombres. De l'écrivaine assise derrière son plan de travail et qui nous fait face, nous ne voyons que le haut de son buste légèrement penché. Car elle est toute occupée à son ouvrage. Elle est vêtue d'une robe simple, serrée à la taille, au tissu léger, sans manches, rehaussée d'un large col en dentelle qui laisse deviner les prémices de sa gorge. Ce sont les manches ballons de son chemisier blanc qui donnent grâce à ses avant-bras dénudés, formant cercle autour de l'objet de correspondance. La main droite, tenant la plume sans fin, la main gauche, empêchant le papier à lettres de glisser. À qui est destinée cette missive? Personne ne le saura jamais. Lettre de commande. Lettre de créance. Lettre d'amour. De confidence. D'invitation, de simple amitié. Toujours est-il que la rédactrice n'en est pas à son premier essai, et si l'on en croit le feuillet froissé négligemment jeté sur le carrelage au pied de la table servant d'écritoire. Cependant, la passion pour Vermeer réside principalement dans l'intensité de la relation que ces tableaux tissent avec le spectateur. Il parle avec douceur. Il exprime une admiration pour les femmes qui fait écho aux valeurs de notre époque. L'univers féminin de Vermeer exprime une sensualité retenue, d'autant plus troublante qu'elle est contrainte. L'artiste de Delft dresse des obstacles entre l'objet désiré et le sujet désirant. Il suscite le désir et la frustration. Cet affrontement de pulsions et d'interdits est le reflet des mœurs et de la culture d'un monde où se côtoient alors la rigueur éthique du calvinisme et les élans boulimiques d'une économie libérale naissante. Nul doute que la femme écrivain soit la maîtresse de maison. En attestent ses bijoux, une broche épinglée sur la poitrine, deux perles de valeur montées en boucle d'oreille et sa coiffe de dentelle. Elle est concentrée sur sa correspondance, le regard absorbé sur ses plaints et déliés, le corps légèrement versé dans une attitude protectrice afin que personne ne puisse lire son message, sans nul doute strictement privé. Et surtout pas la servante, qui se tient debout derrière elle, deux bons mètres en arrière, les bras croisés, presque posés sur son tablier. Deuxième femme du tableau, elle attend, elle s'ennuie, et regarde par la fenêtre ce qui se passe dans la ruelle. Elle attend que sa maîtresse ait terminé de rédiger son billet et lui dise auprès de qui aller le porter. C'est une mission de confiance. Contrairement à sa maîtresse, la servante porte une robe brun sombre en tissu épais, dont les manches couvrent les bras jusqu'aux coudes. Sa tenue ne laisse rien entrevoir de sa beauté, étroitement retranchée derrière un chemisier de très simple facture au collet monté. Elle ne porte pas de coiffe, mais retient ses cheveux châtains par un chignon serré. Au fond de la pièce, donc en fond de toile, derrière la dame écrivant une lettre et sa servante, Vermeer a placé sur le mur un immense tableau orné d'un cadre noir à large bord. On y distingue difficilement plusieurs corps féminins, très peu vêtus, entourant un mystérieux personnage dans un décor de plein air, illisible et éteint. Peut-être bien un Moïse sauvé des eaux. Mais ce tableau trop sombre est tout à fait secondaire. Il n'est là que pour mettre en valeur le sujet principal de l'œuvre de Vermeer, la lumière. La lumière chaude, plus vraie que nature, qui traverse... Qui irradie les visages. Qui enveloppe les étoffes. Révèle d'un reflet un objet laissé dans l'ombre. Une chaise devant la table, un encrier. Et qui fait vibrer les grands carreaux du sol en damier. En fait, quel que soit le sujet quotidien peint par Vermeer... Ce qui est précieux aux yeux de l'artiste... C'est la révélation d'un instant quasi photographique, à travers une maîtrise exceptionnelle de l'art pictural dans ses éclairages... Ombre et lumière... Ses matières et ses perspectives. Avec Vermeer, vous ne regardez plus un tableau. Vous êtes témoin captif de la vie ordinaire bourgeoise du XVIIe siècle. Vous vivez la peinture. Une armée d'austères bourgeois vêtus de noir invente la guerre économique. Car ici... La bataille pour devenir riche est compatible avec la foi. Les calvinistes voient dans la prospérité un signe de prédestination divine. Leur fortune est voulue par Dieu. Ils développent le commerce tous azimuts. Ils imaginent les banques de change, de crédit, la bourse, la spéculation. Bref, avant l'heure, ils installent les outils et les règles du capitalisme. Leur arme principale, c'est une immense flotte de navires robustes qui commercent avec la planète. Ils créent la VOC, la Compagnie des Indes Orientales. L'aventure maritime fournit ainsi le prototype de la spéculation boursière et les Hollandais, dans leur course planétaire, créent les premières bases de la mondialisation. Ils créent un monde à part. Tout se vend et s'achète, ou toutes les marchandises. C'est le cas des œuvres d'art et de la peinture en particulier. Ailleurs, la commande de tableaux dépend de la volonté de la noblesse ou des besoins du clergé. Ici, c'est la loi du marché qui régit la création. La peinture s'épanouit car les bourgeois sont riches et ils apprécient les tableaux qui, pour l'essentiel, parlent d'eux-mêmes, de leur famille, de leurs concitoyens, de leur pays. Les murs de leur maison sont tapissés de ces images. L'explosion de la demande fait naître des milliers de peintres. La production est prolifique. Certains parlent d'un million de tableaux en quelques décennies. Ainsi, cette minuscule nation de moins de 2 millions d'habitants devient une féconde pépinière d'artistes. Les tableaux de Vermeer montrent que le peintre connaissait bien les principes de la perspective. 13 de ses tableaux conservent d'ailleurs encore une trace matérielle de sa méthode qui consistait à enfoncer une pointe dans la toile. Juste sur le point de fuite. Pointe à laquelle il attachait un fil. La longueur du fil permettait d'atteindre chaque partie de la toile et de tracer les orthogonales correctes, donnant par exemple une vraisemblance remarquable au carrelage en damier des maisons bourgeoises peint dans ses tableaux. Pour tracer l'orthogonale matérialisée par le fil, Vermeer enduisait ce dernier de craie. Puis le tendait entre la pointe fichée dans son tableau et les doigts d'une main, tandis que, de l'autre, il soulevait le fil et le laissait retomber sur la toile où s'imprimait alors une ligne de craie. Il ne le restait plus qu'à repasser ensuite cette ligne au crayon ou au pinceau. Cette méthode très simple est encore utilisée aujourd'hui pour peindre des intérieurs en trompe-l'œil. Le géographe. Le géographe est une autre huile sur toile de Johannes Vermeer, de 53 par 46,5 cm, peinte vers 1668. La scène pourra se passer dans le même type de pièce que celle de la dame écrivant une lettre, tant la configuration spatiale de ce tableau en est proche. Même fenêtre ou presque sur la gauche, caractéristique des maisons bourgeoises de Delft au XVIIe siècle. Même volume. Le peintre ayant sans doute rapproché son chevalet pour donner une vue plus intimiste du cabinet de travail du géographe. Au premier plan, et perpendiculaire à la fenêtre, la table de travail de l'homme de science est encombrée de plans récemment déployés. Le géographe, habillé d'une robe d'intérieur confortable, aux reflets bleu nuit et aux revers orangés, ceinturé à la taille, on dirait aujourd'hui une robe de chambre. Le géographe vient de lire quelques informations d'importance sur le plan déplié devant lui. Son buste est penché sur sa table de travail. Il est ailleurs, la bouche close, le regard perdu. Presque hors champ. Sans doute plongé dans des raisonnements et des calculs de circonstances. Il s'appuie négligemment sur sa main gauche, agrippée à ce qui semble être une brique posée là sur la table pour maintenir l'ouverture d'une carte qui aurait tendance, sinon, à se réenrouler sur elle-même. La main droite en l'air, de son côté, sous-pèse un compas qui vient d'effectuer un savant relevé. Les Hollandais sont un peuple pragmatique. Ils ont su dompter le vent du plat pays, celui qui gonfle les voiles de leur immense flotte de bateaux, celui qui fait aussi tourner les ailes des moulins pour broyer le calcaire, moudre le blé ou chasser l'eau de mer. Alors que les autres pays se livrent des guerres meurtrières pour conquérir des territoires, les habitants des Pays-Bas luttent contre les flots. 15% des terres des Provinces-Unies sont arrachées à la mer par un combat de chaque instant pour chasser l'eau et faire émerger de nouveaux espaces cultivables. Partout, d'immenses moulins rejettent sans fin des millions de mètres cubes d'eau dans la mer du Nord. La Hollande est en permanence menacée d'inondations. C'est le cas de Delft, qui est à 2 mètres en dessous du niveau de la mer. La ville serait noyée si les digues cédaient ou si les moulins cessaient leur inlassable balai. Cette victoire sur les flots convainc les Néerlandais qu'ils sont un peuple élu. Ils se comparent aux Hébreux guidés par Moïse, pour qui Dieu a ouvert la mer Rouge. Dans sa toile, le géographe, peinte vers 1668, Vermeer veut probablement nous faire partager un moment suspendu, un doute pictural qui rejoint celui du savant. Le temps s'est arrêté. Derrière le géographe, une map monde et des ouvrages de référence ont capturé la lumière au sommet d'une armoire qui ferme le tableau. Le reste de l'instantané pictural est vide, juste habillé de 2 rouleaux de cartes, négligemment jetés au sol, et d'un petit coffre en bois qui ferme le cercle de travail. Instant retenu, tranché au côté droit, par un demi-tableau esquissé et une demi-chaise suggérée. Apostrophé, nous attendons en silence que le maître nous dévoile le résultat de ses pensées. Le 15 décembre 1675, Johannes Vermeer meurt, âgé de 43 ans seulement. Il est enseveli à la vieille église de Delft. Il laisse 11 enfants, dont 8 mineurs. Leur tutelle est confiée à l'illustre naturaliste Antoine van Leeuwenhoek, fonctionnaire à l'hôtel de ville. Les Vermeer étaient alors couverts de dettes et devaient rien moins que 617 florins à leur boulanger. Voilà pour mieux connaître Johannes Vermeer. Le sphinx de Delphes, maître de la peinture de genre. Nous vous invitons à taper simplement le nom de Vermeer et d'y associer celui du musée du Louvre sur votre navigateur, pour tout savoir sur la vie et l'œuvre de cet artiste. Vous pourrez aussi consulter avantageusement l'ouvrage intitulé Johannes Vermeer, paru chez Flammarion en 1995 sous la direction de Arthur K. Willock Jr., ainsi que le très bel ouvrage Vermeer, paru aux éditions Henri Screpel en 1981 sous la plume de l'académicien Jean Mistler. Vous avez pu, par ailleurs, profiter d'archives sonores extraites du film documentaire « La revanche de Vermeer » de Jean-Pierre et Guillaume Cottet, produit par les studios Martange Productions pour le compte du Musée du Louvre et d'Arte France. Enfin, côté musique, nous avons proposé un voyage sonore dans les partitions de différents compositeurs contemporains de Johannes Vermeer avec, dans « Le désordre », Les Rigaudons 1 et 2 au clavecin de Jean-Philippe Rameau, le concerto brandebourgeois numéro 6 en si bémol majeur, BWV 1051 de Jean-Sébastien Bach, les premiers 4e mouvements de la sonate en trio, la Steinkerque de François Couperin, et enfin le prélude au Tédéum de Marc-Antoine Carpentier, que vous aurez reconnu en tant qu'introduction musicale des messages officiels de l'ORTF. Oui, vous êtes bien sur Radio RGB 99.2 FM au cœur de l'émission... Écoutez, il n'y a rien à voir. Un voyage sonore qui ne manque pas d'air et encore moins d'imaginaire. Voyez, le fait. Vous voyez, petit Louis et Mirabel sont maintenant couchés. Vous tous aussi. Là. Allez vite au lit. Et si vous êtes très sage, nous reviendrons vous voir demain soir. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit, bonne nuit. Voilà, après l'archive sonore de fin d'émission Bonne nuit les petits, diffusée le 10 décembre 1962 à l'ORTF, eh bien si pour les enfants il est peut-être l'heure d'aller se coucher, voici pour les plus grands le moment tant attendu de la chronique de Fabienne. Eh oui, je suis une gentille, Philippe, une vraie, c'est un fait avéré, et ce je le suis sans me forcer aucunement. Cela respire de mon être, coule dans mes veines, dans mes vaisseaux, que c'en est même désarmant pour certains qui s'interrogent sur sa signification, son intention. Alors je vais m'expliquer et éclairer mes congénères afin de lever l'ombre d'un doute. Comment expliquer que c'est du naturel, du pur concentré, pas d'arrière-pensée, pas de plan machiavélique assorti. Je suis aimable, agréable, attentionnée sans être fausse. Tout au long de ma vie, j'ai entendu des remarques comme... Tu es capable de tendre l'autre joue dans ta vie privée alors que dans ta vie professionnelle, tu ne lâches rien, lance une collègue de travail. Bah, t'es une vraie gentille, toi, au fond, dit le père de mes enfants. Bah, t'en avais douté. Tu essaies inlassablement de rabibocher toute la famille, lâche ma sœur, concernant ma volonté de raccommoder toute la famille. Mais alors, pourquoi de nos jours être gentil engendre les remarques, voire les critiques et même les suspicions ? Du plus loin que je me souvienne, dans mes souvenirs, mes grands-parents paternels étaient des personnes gentilles, altruistes avec leur famille, avec leurs voisins, et ils aimaient beaucoup rire. Oui, ils étaient bienveillants et généreux. Ils ont été pour moi des cadeaux que la vie a déposés à mes pieds. Un exemple à suivre, donc. Était-ce l'époque qui le voulait, la guerre, l'après-guerre, peut-être ? Une France à reconstruire, le plein emploi. Depuis, les choses ont bien changé. Mais qu'en est-il de cette gentillesse qu'on trouve encore de nos jours, pourtant dans certains pays et pas forcément dans les contrées les plus riches ? Était-ce leur éducation qui leur avait appris à faire attention aux autres plus tôt ? Prendre soin de l'autre en tenant compte de sa sensibilité, ne pas le brusquer ni l'offusquer. La gentillesse rime comme une caresse, c'est la noblesse des actes, des paroles et des pensées. Un moment de grâce en somme. Ce n'est pas être lèche-botte que d'être gentille, ce n'est pas être courtisane que d'être aimable. Je le revendique. Certes, cette notion morale a été galvaudée à la Révolution. On lui avait coupé la tête, au même titre qu'au privilège de la royauté, et on en a eu fini avec les minauderies de la bourgeoisie d'alors. Alors, aujourd'hui, elle continue d'engendrer la méfiance. Je cite, « L'adjectif « gentil » s'applique à des actes ou à des paroles a priori désintéressés, ne procurant pas davantage apparent et immédiat à l'individu qui les exécute, mais qui sont bénéfiques à d'autres individus. » La gentillesse peut donc surprendre, étonner, voire être considérée comme une preuve de faiblesse dans nos civilisations où chacun doit dominer l'autre. Sa véritable motivation, son fondement seul, est d'être un don. Oui, il n'est pas facile de l'accepter comme tel dans un monde où tout est monnaie marchande. Alors, comment fait-on pour rayer ce a priori de la définition Wikipédia et de ne plus avoir en arrière-pensée cette notion à l'esprit pour celui ou celle qui la reçoit ? Car pourtant, ce savoir-vivre favoriserait sur le long terme un savoir-vivre ensemble. Je cite Guillaume de Fonclar dans son édito de décembre 2019, poussant plus loin la gentillesse à la solidarité. À quand une chaîne des bonnes nouvelles, mettant en exergue les attitudes exemplaires et les actes solidaires ? À travers nos écrans, nous imaginons une planète noyée de larmes et de sang, alors que peut-être, au coin de notre rue, nous attend une belle aventure humaine dans la simple main tendue. L'enrichissement mutuel est aussi à ce prix, apprendre simplement à tendre la main et à croire qu'une attitude solidaire peut réenchanter le monde. Même si ce monde-là n'est pas plus grand que son quartier, son village, ou au bout de sa rue, son hameau. Alors, militons à chaque instant pour que la gentillesse soit la voie vers un nouvel humanisme. Portons-la comme le fanion guerrier d'une nouvelle révolution afin de garder notre humanité. Donner un sens à sa vie, meilleur gage de santé pour bien vieillir aussi, non ? Faire attention aux autres, n'est-ce pas là un des chemins pour se trouver soi-même ? Waouh ! La gentillesse rime comme une caresse. Merci Fabienne pour cette chronique, ce don qui fait du bien à tous. Et notre évasion suit son cours dès à présent avec l'interview de Marianne Levexier, peintre, sculpteur et graveur, en pleine actualité. Bonsoir, nous voilà dans la deuxième partie de l'émission. Écoutez, il n'y a rien à voir. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir Marianne Levexier. Salut Marianne. Bonsoir. Alors, on a l'habitude avec nos auditeurs d'essayer de savoir qui se cache derrière le micro. J'avais envie, là, pour ce soir, de faire une petite exception et de commencer par un petit texte que j'ai trouvé dans un ouvrage qui était réservé. Parce que je crois que ça dit déjà beaucoup de choses et ça va nous permettre de rentrer en conversation. Aidé de mes carnets, je dessine tous les jours. C'est la matrice de tous mes travaux. J'y puise symboles, figures réinventées, nus, profils, têtes, vents, bateaux, dont les roues filent à vive allure, maisons que l'on accroche pour éviter qu'elles ne s'envolent. Mes motifs imaginaires sont mes moteurs. Ils créent le déclic, me donnent l'envie de peindre. Ils sont mon jardin pépinière. Waouh ! C'est super parce que franchement, ce texte, dont je ne connais pas l'auteur d'ailleurs... Moi-même ? Bon, et ben voilà, ça ne m'étonne pas. Il est très proche, effectivement, de l'ambiance de tes toiles et de tes œuvres en général. Les motifs imaginaires sont mes moteurs. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça ? Bah, je pense qu'en fait, je dessine et je peins ce que j'aurais envie de voir. Moi, ça fait partie de mes souhaits. Quand je fais ces petits dessins et tout ça, c'est pour mettre aussi en désir par rapport à ce que je vais faire dans la journée. C'est-à-dire que c'est des déclencheurs. Il faut toujours aller vers quelque chose de nouveau. Donc le matin, hop, je prends mon café et puis je commence à dessiner des choses. Il faut se laisser faire. Ou alors un coup de fil qui va être un peu long. Je vais commencer à dessiner et il y a des choses qui vont se lâcher. Parce qu'en fait, la peinture, c'est aussi l'inconscient. Donc il faut essayer de se mettre dans une position un petit peu en diagonale par rapport à la pensée. C'est-à-dire qu'on a un peu de traviole et du coup, ça part ailleurs et on ne maîtrise pas tout. Il y a des choses qui sortent le matin qui sont formidables. Oui, il faut vite mettre sur le papier ce qui est encore peut-être le solde du rêve de la nuit. Absolument, ouais. Ouais, il y a un peu de ça. Moi, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup et qui se souvient de ses rêves et qui, oui, peut les mettre en... Soit j'écris, soit je les mets en image, etc. Oui, je m'en sers. En fait, je me sers de tout. Je me sers de tout ce qui se passe parce que sinon, on n'a pas le goût de la vie, je trouve. On n'a pas sa saveur. Il suffit qu'on s'arrête et qu'on commence à dessiner et tout ça et du coup, ça prend du sens. Sinon, tout file. Alors moi, je ne fais pas de méditation, mais en tout cas, je dessine et je peins. Voilà. La saveur, la vie, le rythme, tout ça, c'est dans tes toiles, c'est évident. Les couleurs... Voilà, il y a un peu de monde, c'est vrai. Il y a un peu de monde, mais c'est oui. Comme ça que je peux m'exprimer, en fait. Sans retourner très très loin dans le temps, Marianne Levexier, c'est un pur jus valdoise. En fait, pas vraiment, parce que je suis née à Moret-sur-Loing. Donc, ouais. En fait, c'était aussi une terre de peinture, des petits maîtres du 19e. C'est une très, très belle région, le 77. Hein. Et après, j'ai vécu au Havre, parce que mon père travaillait sur le France pendant 5 ans. Donc, alors là, avec la mer, j'ai aussi un attachement qui est vraiment même viscéral. J'y vais 3 mois de l'année. Enfin, yeah. J'y suis toutes les 5 semaines, d'ailleurs. Ouais. Je suis un peu le calendrier scolaire pour me retrouver à Cancale très souvent. Il y a beaucoup d'eau et de poissons dans tes tableaux, d'ailleurs. Oui, c'est vraiment... Et j'ai peint avec le sable pendant 20 ans. Voilà. Oui, c'est nécessaire. Et après, je me suis installée, on est arrivé à Auvers-sur-Oise en 76. Ouais, ça fait un petit moment quand même. Ça fait un petit moment, oui. Ouais. Et puis, voilà, j'ai fait Auvers, Pontoise, Lille-Adam. Je fais vraiment des sauts de puce, hein, je ne vais pas vraiment loin. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à devenir peintre? Je crois que chez toi, c'était quelque chose depuis le départ. Ouais, depuis le départ, en fait, mes grands-mères des deux côtés de ma famille, paternelle et maternelle, achetaient des œuvres dans les salles des ventes. Donc, en fait, chez nous, il y avait de la peinture et on suivait quelques peintres. Donc, en fait, il y a eu un peintre, Paul Charlot, et on suivait ses toiles, les natures mortes. On parlait peinture, en fait, on regardait ses toiles. Et voilà, et après, je suis arrivée à Auvers. Et à Auvers, la grande chance que j'ai eue, c'est qu'à l'auberge... qui était l'auberge Tagliana. Monsieur Tagliana faisait des expositions tous les mois avec des artistes très connus aujourd'hui, très figuratifs ou complètement abstraits, etc. Et pour moi, qui avais 12 ans, en 3-4 ans, j'ai eu une culture qui s'est fait naturellement picturale. Et donc, j'ai vu ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Puis après, les goûts évoluent aussi. Ce qu'on aime au début, c'est pas ce qu'on aime à la fin. Et voilà, et ça m'a donné le goût. Et puis, à l'époque aussi, il y avait Michel Charpentier qui était prof aux Beaux-Arts. Il y avait Charles Béranger qui était sculpteur. Il y avait déjà des peintres qui étaient là. Et voilà, c'était vivant. En fait, ça m'a jamais semblé un monde à part. Vous voyez, c'était un monde qui était dans le village, qui était dans ma vie quotidienne. Donc finalement... C'est après qu'on m'a dit « Ah !» J'ai eu « Ah bon ?» À Auvers-sur-Oise, oui. Ça a toujours été une terre de peinture, si je puis dire. C'est ça, ouais. C'est ça. Ça ne m'a pas semblé si étranger que ça. Quoi. Mm-hmm. Voilà. Et c'est pour ça que, presque naturellement, tu t'es vite dépêché d'aller, si je ne me trompe pas, à l'Académie Port-Royal. Ah oui, j'étais déjà au lycée. Je disais à tous mes profs que je voulais être peintre. Ça me faisait ricaner comme projet. Et puis, il fallait, pour rentrer aux Beaux-Arts à l'époque, on n'avait pas besoin du bac, mais on avait besoin d'avoir quand même un an de préparation. Et donc, j'ai commencé à l'Académie de Port-Royal. Et Charles Béranger, qui était sculpteur et ami, on est partis ensemble à Paris. J'ai poussé la porte de l'Académie. Et c'était chez moi. Parce qu'en fait, c'était un atelier, il vient de fermer, hein, c'est malheureux. Toutes les académies ferment. Mais c'était un lieu où il y avait des gens de 60 ans, des gens de 18. Il y avait vraiment des gens qui étaient des amateurs éclairés en peinture. Voilà. Et puis, on avait 5 peintres professionnels, Jean-Maxime Relange, Claude Schur, que des gens qui peignaient et qui exposaient. Et qui, en même temps, enseignaient, mais qu'une demi-journée par semaine, mais qui nous apprenaient notre métier de peintre. Et on peignait de 9h du matin jusqu'à 17h. Ils m'ont appris la discipline, ils m'ont appris le travail, de nature morte en permanence, des nus en permanence, et voilà quoi. Donc après, à la fin de l'année, j'ai eu le concours des Beaux-Arts, je suis rentrée aux Beaux-Arts l'année d'après, mais après, c'était que des gens de mon âge, donc c'était déjà beaucoup moins intéressant pour moi. J'avais ras-le-bol d'être avec des gens toujours. Vous avez 15 ans, vous êtes qu'avec des gens de 15 ans, tout ce côté un peu contraint. Et du coup, j'ai fréquenté les Beaux-Arts, j'étais reçue chez... Zavaro, et en même temps j'étais à l'Académie, puisque j'avais une année gratuite et tout ça. L'Académie où on te surnommait la petite térébenthine. La petite térébenthine, ouais. Je sentais la térébenthine. C'était fou. 50 peintres qui peignent avec de la térébenthine et du white spirit et de l'huile, c'est délirant. Ça devait être difficile de kiffant, se défaire. C'est très carrément kiffant, mais bon. C'est un sniff comme un autre. Hein, carrément. Non, mais vraiment. Vraiment. La peinture à l'huile, c'est une merveille. Oui, c'est ça. Au Beaux-Arts, tu as notamment travaillé avec une personne qui est devenue ton amie. Mmh. Je crois qu'il s'agit de Martine Le Toublon. Alors, Martine Le Toublon, elle était à l'Académie de Port-Royal. On a fait nos études là-bas. Et d'ailleurs, fin mars, début avril, à l'espace Beaurepaire à Paris, dans le 10e arrondissement, nous allons faire notre... On a déjà fait des expositions ensemble, mais là, ça va être en duo. Et du coup, on est ravis de présenter notre travail après 40 ans, à peu près 40 ans d'amitié. Ouais. Waouh, que des belles, des belles histoires. Ça dure combien de temps? Parce que j'ai pas... Ça va durer une semaine. D'accord. Ouais. Mais de toute façon, on en parlera tout à l'heure, mais il suffit de taper Marianne Levexier sur Internet, on tombe sur son site, et tout est très bien expliqué. Et tu as souvent des actualités d'exposition, facile d'aller le voir. Ouais. C'est mon fils Vadim qui a créé ce site. Ah ben, on le salue au passage et on le remercie parce qu'il est bien fait. Oui. J'ai envie de dire, évidemment, j'ai parcouru un petit peu justement le site de Marianne et puis d'autres documents. Et alors, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est le nombre d'expositions et de rendez-vous que tu as eu dans le Val-d'Oise. Et j'ai envie de dire, tous les lieux culturels, Marianne y est passée. Alors, je ne peux pas faire la liste à l'après-vert, mais quand même, Château de la Roche-Guyon, le Centre d'art Jacques-Henri Lartigue, les Calandres à Éragny, la Maison du Docteur Gachet, la Villa Daumier... Le parc du château de Téméricourt, la maison du passeur et Roger Icor à Herblay et à la Frette-sur-Seine, le musée Trio-Valadon, l'espace Corot, enfin bon bref, t'es passé partout. Alors absolument, parce que dans le Val-d'Oise, c'est vrai que c'est une terre de culture et on a des lieux merveilleux. Tous les lieux que tu as cités, là, ils sont très, très différents les uns des autres. Oui. Et moi, c'est vrai que ce que j'aime, c'est montrer mon travail, mais c'est aussi faire des scénographies, des... Voilà, c'est des aventures à chaque fois qui sont... Des fois, c'est dans des parcs, des fois, un château énorme, après un tout petit espace. Enfin, voilà, ça, j'adore. Il faut dire aussi que je ne sais pas du tout faire ma pub, contrairement à ce qu'on pourrait penser en voyant mon curriculum, mais c'est en montrant mon travail que les gens viennent voir, et ensuite, c'est eux qui me proposent. Je suis complètement... Bouche à oreille. Oui, parce que je me vois pas venir avec mon dossier, aller voir quelqu'un, Ça, je ne sais pas du tout le faire. Mais je pense que, en fait, aussi dans ce métier, si on est demandeur, c'est compliqué. Il faut quand même être quelqu'un qu'on vient. Voilà, on voit son travail, on voit comment ça se passe. Comment je vais parler de mon travail pendant une heure, ça sert à rien. Il faut les et voir en situation. Ça prend du temps, en fait. Hein, souvent, les artistes. Bien là, sûr. Vous êtes en création et pas. Je fais que ça. Je suis que dans l'atelier. Donc, en fait, j'ai pas de temps aussi pour. Voilà. Alors, dans ce parcours d'exposition, il y a eu un moment très privilégié. Ça a été l'exposition au Centre d'Art Jacques-Henri Lartigue en 2000. D'abord parce que je crois que tu as vendu un maximum de toiles. Oui, j'étais très, très, très heureuse. Et du coup, je fais un petit lien avec ce qui est écrit dans ton catalogue, avec un monsieur qu'on aime bien tous les deux, qui s'appelle Frédéric Chappet, qui a été conservateur des musées de l'Isle-Adam un certain nombre d'années. Et il écrit, à propos de tes toiles, des sujets figurés qui nous parlent tout simplement de la peinture et de l'irrépressible plaisir de peindre. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui te caractérise, le plaisir de peindre. Ah oui, c'est vraiment... Oui, j'adore ça. J'y vais, je vais me baigner. Ah oui, j'adore ça. J'adore peindre. C'est ce que je fais depuis 35 ans, plus de 35 ans, là. C'est vraiment ce que j'aime. Et d'ailleurs, dès que j'ai commencé, il n'y avait aucun doute. Je n'ai jamais eu de doute. Alors que c'est des chemins qui sont compliqués, mais voilà. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'artistes qui disent, et de peintres qui disent que j'aime me baigner dans la peinture. Je trouve ça extraordinaire. On t'imagine j'aime très bien. J'aime bien baigner dans la peinture et j'aime bien aussi apprendre des nouvelles façons de peindre. Oui. C'est-à-dire que quand je fais de la gravure, je suis un peintre qui fait de la gravure, je ne suis pas un graveur, parce que c'est tout un monde la gravure. Mais quand j'apprends des nouvelles techniques, alors là j'adore ça. Parce qu'en fait, on n'a plus nos outils, on ne sait plus le faire. Et du coup, on est dans la contrainte et on réapprend, on redevient un petit peu comme un enfant, comme au début. Et ça, c'est super. Il y a une mise en danger, en fait. Il y a une mise en danger, mais vraiment, et qui est vraiment sympa. Ouais. Et sculpteur aussi. Je suis aussi un peintre qui fait de la sculpture, puisque je fais des sortes de bas-reliefs que je viens peindre aussi. Oui, c'est un mix. C'est un mix. Alors, je dis que c'est des sculptures parce qu'on peut les mettre c'est dans l'espace. C'est ce que j'avais vu au dos, justement. Ouais, c'est recto, verso. Mais en fait, moi, j'ai l'impression de rester peintre. Et de m'adonner à quelques mouvements autour de ça, les techniques et tout ça. Ouais, voilà. Eh bien, justement, on va parler de tes œuvres plus en détail, de ton actualité aussi, parce qu'il y a des choses superbes qui sont en cours de création. Mais d'abord, on va faire une petite pause musicale. Paul Weller, c'est ça ? Paul Weller. Paul Weller, je lis mal. C'est un anglais. Yes. Yes. Everybody, let me tell you about my love, brought to me by an angel from above, fully equipped with a lifetime guarantee. Once you try it, well, I'm sure that you'll agree. Without love, there's no reason to live. Without you, what would I do with the love I give? All my loving to you I'll be giving. And I promise as long as I'm living. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. All the times you make me glad that I'm alive, sharing together, helping me survive. What did you think about the sun up today? Let me hear you say, without love, there's no us as long as I'm living. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. Voilà, retour dans le studio. Vous êtes bien sur Radio RGB 99.2 FM dans l'émission Écoutez, il n'y a rien à voir. Ce soir, notre invitée est Marianne Levexier. On avait quasiment terminé, c'était une très belle transition d'ailleurs, peinture, sculpture et j'ai envie de dire aussi gravure. Voilà, Marianne, c'est une artiste avec beaucoup de compétences. Ou plus exactement, j'ai l'impression que tu aimes te confronter à chaque fois de nouveaux médium, entre guillemets, puisqu'il y a eu bien sûr la toile pendant de nombreuses années. Il y a eu la gravure au carborandum aussi, une très belle expérience avec une autre technique. Tu t'es frotté aussi au décor, je ne sais pas trop, qu'est-ce que tu as fait par rapport à ces expériences de spectacle, Pierre et le Loup et le Comte de la Merloire. Tu intervenais comment ? Alors là, j'ai travaillé, c'est des projets artistiques qui ont été menés avec André-Claude Braillère, ah oui, d'accord, qui était directrice des conservatoires de Cergy Pontoise. Et on a commencé par Le Vaillant Petit Tailleur de Grimm. On a fait Pierre et le Loup l'année dernière, oui. Et en fait, là, j'interviens en dessinant en direct pendant le spectacle. Tout est projeté en fond de scène. Super. Voilà, mmh. Et je fais des gravures avant, et donc on intervient une gravure, ensuite hop, c'est moi qui dessine en direct, etc. Voilà, le Pierre et le Loup, c'est carrément sur tablette graphique, là. Alors là, d'accord, je transpire, j'ai le trac quand on fait ça, mais c'est terrible. Ouais, c'est une performance, mais tout est en live, hein. Oui, ouais, mais tout est préparé à l'avance, oui, hein. il faut être clair, mais il faut quand même pouvoir le faire, et voilà. En une minute, il faut dessiner Pierre, le Loup, le tonnerre, hein, et puis il faut être en mesure, quoi. Ouais. C'est très impressionnant, ça. Le spectacle vivant, c'est terrible. Un autre ami peintre à nous, qu'on connaît bien, Frédéric Cubas-Glazer, oui, à qui tu as donné la plume aussi dans un de tes catalogues, parle de quelque chose qui paraît d'intéressant. Il me parle d'un fil rouge, il parle en ce qui concerne ton travail de peinture, d'une écriture et d'un langage. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire, quels que soient finalement les supports que tu traites, on retrouve, bien entendu, même au-delà de la patte de l'artiste, on retrouve cette discussion que tu nous proposes, ce voyage. Alors justement, comme ce sont plein de personnages, ils sont un peu fous quelque part, ils vont dans tous les sens, ils rient, ils rient pas, ils nagent, ils sautent, ils font tout ce qu'on veut. Du coup, on ne peut pas rester indifférent devant une de tes toiles. Elle nous parle, elle nous raconte quelque chose. C'est bien ça. Oui, bah écoute, moi j'utilise absolument tous les symboles. Alors il y a des personnages, c'est vrai, qui partent en courant, Courage Fuyon. Il y en a d'autres. Il y a le profil et la face, parce que je pense que on est tous plusieurs en nous-mêmes. Mmh. Et voilà. Il y a des gens qui essayent de voir à l'intérieur des autres, c'est comme des masques. Voilà. J'utilise la maison, j'utilise l'oiseau, le poisson, les vagues, les cheveux qui font des lianes. Enfin voilà, que tout soit rythmé, scandé. C'est un rythme. Bon, toi, t'écris, il y a un rythme dans l'écriture, il y a un rythme dans une toile. Complètement. Il faut que ce soit tenu et que ce soit bien composé, tout ça. Donc, en fait, quand on peint, c'est comme un petit problème mathématique et on doit le résoudre. Il y a un moment, ça marche. Je ne sais pas comment dire, mais... Grande voilà. Question d'équilibre, quand même. Il y a même. Une question d'équilibre, de composition. Ouais. Voilà, il y a plein de trucs qui sont en jeu. Les couleurs, l'intensité de la couleur, leur valeur, etc. Et donc, tout ça joue. Et puis, voilà. Et moi, j'utilise ces petits personnages, ces petits trucs pour... voilà, c'est comme mes lettres, hein, et j'écris une grammaire avec, il faut que ça marche, il faut que ça fasse des phrases, voilà. Ouais, c'est une bonne idée de parler de grammaire en ce qui concerne ton travail artistique. Oui, il y a un peu de ça, oui. C'est à la fois très libre. Il y a des outils. Il y a une liberté énorme dans ce que tu fais, Gérard. Voilà, on respire, ça fait vraiment du bien. Et en même temps, c'est très réfléchi. Ah oui, oui. Oui, c'est très réfléchi. Ça, rien n'est fait au hasard. Non, je crois pas. Alors. Parlons des nouveaux supports, entre guillemets. Oui. Depuis quelques années maintenant, tu t'es attaqué au béton. Oui. Comment se fait-il que tout d'un coup, on passe de la toile au béton et même aujourd'hui au vitrail ? Alors, ce qui est marrant, c'est que J'ai toujours dit que c'était le sable qui liait mes techniques, etc. J'ai peint avec le sable sur toile. Et puis un jour, mon frère voulait me faire un bar dans mon atelier. Il est avec des énormes tas de sable et du ciment blanc. Et là, au moment où il a mélangé les deux, on a trouvé ça tous les deux, mais tellement beau de matière, etc., qu'on s'est rappelé le lendemain matin, premier lever, hop, mais tu pourrais peindre dedans. Et hop, c'était parti. Il est arrivé, il m'a fait des moules et hop, j'ai commencé à mettre les pigments, les trucs pour voir comment ça fonctionnait. Et puis voilà, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Et du coup, j'ai mis un peu une technique au point qui fait que bah, je mélange le ciment et tout ça, mais avec d'autres matières. Et ça résiste. Je peux faire des expositions dehors. Voilà. Il y a des œuvres chez moi qui restent dans la cour en permanence. Et voilà, je les teste. Voilà. Et puis, bah, c'est marrant parce que le sable aussi, on le retrouve dans le verre. Absolument. Et c'est très, voilà, c'est rigolo. Et du coup, là, en ce moment, avec Dominique Legris, qui est maître verrier à Henry, nous avons remporté un appel d'offres avec la ville de Follinville d'Ennemont. Et nous sommes en train de créer trois baies. Donc, cette église du XIIe siècle est dédiée à Saint-Martin. Saint-Martin qui a donné la moitié de sa cape, voilà, donc la grande baie c'est ça, elle fait 3,50 m sur 1,60 m de large, voilà. Une petite surface. Une petite surface, et puis on a fait la Vierge à l'enfant et le Christ en croix, voilà, revue et corrigée par moi-même. Et on est en train de réaliser corriger, ce je travail. Ne sais pas, mais Oui, en fait, il faudra venir les voir. Ils seront installés à partir du 7 mars ou du 15 mars. Voilà. Ouais. Et puis, en bas, pour les fonts baptismaux, j'ai fait une grande sculpture. Et il y aura un œil où on verra le baptême du Christ, voilà, avec la lumière qui vient par derrière. Ça va être magique. Oui, je pense que ça va être bien, là. Ouais. Follinville d'Ennemont, c'est juste à côté de Vétheuil, en fait, c'est à la limite du Val d'Oise. C'est ça, c'est Magny-en-Vexin, voilà, c'est le Vexin français. Mm-hmm. C'est tout près, on peut y aller, c'est ça que je veux dire. Ah oui, absolument. Ah oui, oui. Ouais. Ouais. Oh, et puis c'est vraiment magnifique. Oui. Ouais, j'ai vu sur Facebook, là, les... On a vraiment envie d'aller voir les rayons du soleil passer au travers. Oui, oui. Faire flamboyer toute cette... Ouais. Ça va être super. Et puis les formes... Non, c'est vraiment magique. Mm-hmm. Oui, très, très beau. On s'est bien amusé là. J'emprunte toujours... quand les choses sont bien dites, il faut le reconnaître. Il y a un monsieur qui est un critique d'art, qui s'appelle Frédéric Charles Bettinger, j'espère que je le prononce bien, qui a écrit cette très belle phrase... En parlant de ton travail, des figures dont le sens se confond avec la force qu'elles contiennent. Et oui, à 100%. C'est rond, hein, quand même. Enfin, voilà, elle a quand même, au niveau du délié, du trait, il y a des formes. Oui, pour les fées et tout ça, elles sont bien rondes. Ouais, la féminité est bien rendue. Ouais. Je ne vais pas dire le contraire. Comment on s'attaque à un sujet religieux, en l'occurrence, pour cette expérience de Follinville d'Ennemont? Ça ne pose pas de soucis en particulier? Non, aucun, non. En fait. Bon, déjà, l'histoire de l'art, on a des figures du Christ, etc. Quand j'étais à l'académie, même, j'ai déjà donné une toile à l'église dans le 13e arrondissement d'un Christ en croix, puisqu'en fait, un jour, il y a un homme qui est venu et il a posé en croix. On a tous fait des toiles. En fait, c'est plein de références et il faut s'en libérer. Et en même temps, on est complètement de cette culture-là. Absolument. Donc, ça revient, mais c'est très étonnant. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et d'ailleurs, même en le peignant, etc., bon, là, moi, j'ai fait un cri. Le Christ, il prend toute la lumière. Parce que moi, s'il existe, alors, pour moi, c'est la lumière. Mmh. Donc, en fait, lui, il est complètement doré, quoi. Il prend toute la lumière. Il n'est pas très épais, il est un peu fin, là, mais en l'occurrence, c'est un ray de lumière, quoi. Voilà. C'est amusant, je suis en train de penser à la première partie de l'émission avec Vermeer. Oui, c'est la lumière, voilà. bien sûr. La lumière et aussi une époque où, alors pas lui, mais beaucoup d'autres peintres, Rembrandt en particulier, ont fait des Christs. Tout à fait. Et des sujets religieux, n'ont plus finir. Donc, comme tu dis, ça revient. Oui. Voilà. Ouais. Comment tu fais pour aller jusqu'au bout de tes sculptures? Parce que je sais que tu as une personne qui t'aide pour la partie ferronnerie. C'est Fabien Fézy qui est métallier d'art à La Roche-Guyon. Ouais. Voilà. Et donc, on travaille ensemble, en fait. C'est lui qui fait les supports. C'est très important parce que sinon, ça n'existerait pas, quoi. Oui, voilà. Sinon, elle ne tiendrait pas. Voilà. Debout. Absolument. Elles sont verticales, il faut le préciser. Et elles sont armées. Elles sont armées. Oui, jusqu'aux dents. Et du coup, ça se passe comment? C'est-à-dire, qui définit quoi? Moi, c'est je toi fais qui le dessin, ton... je fais le dessin. Pour les et dimensions, puis, tout ça, c'est toi qui lui explique à l'avance. Et puis Fabien, puis on en parle ensemble, au fait, parce qu'on a fait aussi, avec les vitraux, quelques lampes lumineuses, et on a défini ensemble ce qu'il fallait, et puis après, il fabrique, en fait. Est-ce que Marianne est de plus en plus sensible à la lumière, puisque t'es passé par la gravure ou quelque part, c'est aussi une histoire de lumière, notamment au moment où on les fabrique, la lumière est extrêmement importante. Tu as mis assez rapidement dans tes bétons des fenêtres avec vitrail pour accueillir et laisser passer de la lumière. Et puis aujourd'hui, tu es carrément sur la création sur verre. Ouais. Est-ce que tu as envie de plus en plus de te rapprocher de la lumière? En fait, ça fait depuis 2018, j'ai fait deux stages avec Dominique Legris pour apprendre à peindre sur verre. Parce qu'au début, j'ai commencé à mettre des petites pièces de la famille Albertini à Montigny, qui font du verre comme à Venise, voilà. Mais cette partie en verre n'était pas, je ne me l'étais pas appropriée. C'est difficile pour moi de mettre des choses dans mes œuvres qui sont pas que j'ai pas créées en fait. Donc là, avec cette peinture sur verre, je redevenais artisan de mon travail. Voilà. Ça, c'est très important, je pense. Et puis avec Dominique, je découvre un travail extraordinaire. La lumière qui passe à travers la couleur, enfin, je les veux couleurs, dire, ouais, c'est, justement. C'est fantastique. Il y a une profondeur. Les couleurs, comment vous les choisissez en fait? Là, on se concerte, en fait, par rapport à la maquette que j'ai. On se concerte tous les deux et on décide ensemble. Là, derrière, parce qu'il y a une cuisson ou deux cuissons. Donc, en fait, il y a déjà le trait. OK. Ensuite, derrière, on va mettre les émaux. Là, il peut y avoir cuisson. Et ensuite, je reviens et on va faire toutes les grisailles dessus. Donc, en fait, le verre qui semble 4 mm, il finit par vous sembler comme une plaque parce qu'il y a une profondeur, en fait. L'œil voit toutes les petites couches qu'on met. Grâce aux différentes couches. Différentes couches. Et puis là aussi, on grave, etc. On reprend toutes les techniques, tout se recroise. C'est génial. Alors malheureusement, on arrive à la fin de notre interview. Donc les prochains rendez-vous, on va peut-être commencer par rappeler quand est-ce qu'on pourra voir ces baies vitrées dans l'église de Follainville-d'Ennemont. C'est à partir de quand? Alors là, peut-être qu'on verra. Vous pouvez me retrouver sur Facebook en tapant Marianne Levexier. Parce qu'en fait, on imagine peut-être faire une visite. Ce ne sera pas vraiment l'inauguration, mais on fera une visite le 14 mars, le matin, pour commencer à parler des vitraux, comment on a travaillé, etc. Et puis, on a un ami, Mario, là, qui commence à faire des images sur notre travail, de voir en direct un petit peu le coup de pinceau de Dominique, comment il travaille, etc. Les fours, l'atelier... Comment on sertit. Moi, je trouve ça très intéressant de pas seulement voir l'œuvre, mais aussi de savoir comment on a fait. Absolument. Et puis, un autre rendez-vous, cette fois-ci avec Martine Le Toublon à Paris. Et Martine Le Toublon, on sera ensemble pour ce duo de peintres fin mars, début avril, à l'espace Beaurepaire dans le 10e arrondissement, près du canal Saint-Martin. Voilà. Et puis, pour connaître les dates, il suffira d'aller sur le site de Marianne Levexier. Absolument, oui. Merci Marianne, à bientôt. Merci à vous deux, c'était très agréable de venir vous voir. Et bien voilà, chers auditeurs, le temps s'en est écoulé du côté de Widi Joli Village et de Piscop, et toutes les bonnes choses ont une fin. Merci à Marianne Levexier d'avoir répondu à notre invitation. Un coup de chapeau à Damien pour la bonne marche technique de cette 6e émission. Écoutez, y a rien à voir. Prochain rendez-vous lundi 2 mars à 19h sur les ondes de Radio RGB 99.2 FM. Écoutez, y'a rien à voir, un voyage sonore qui ne manque pas d'air. Et encore moins d'imaginaire. Animé par Philippe Rimbaud et Fabienne Louis. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous.